moi Kinsey. Je suis venu apporter le soleil, la jeunesse regarde vers le ciel. Hey bad boy, ne crois pas parce que tu auras mieux que toi que j'ai la grosse tête, non. Je suis sage, tout simplement Kinsey. J'ai mon style qui décoiffe mieux que toi, négro. Oui, je suis une fille de la rue, je tire sur toi 9 balles. Pas pour te tuer quand tu crois. Lorsque tu m'entendras chanter, on se confrontera star contre star. Et je rirai sur la piste. Attendez.